Ja, dat ziet er goed uit. C'est la batterie de Michael Jackson. Enfin bon, la MIDI file. 3, 4. Écoute-tu là. Bien ça. Je vais essayer. Ah non, elle veut pas y aller. Oh putain! Attends, merde. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça passe? T'as bon? Déjà, faut que j'enlève tout ça. Il y a une autre batterie là qui arrive. Batterie. faut que j'aille à la douche. Ça donne quoi ça? 140. T'as ma guitare comme elle ronfle, c'est l'ampli.